Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Aujourd'hui, je reçois une femme qui a repoussé les limites physiques de l'être humain. Son histoire et ses nombreux périples mériteraient à eux seuls un podcast qui leur soit dédié. Avocate, Stéphanie Jiquel s'est un jour passionnée pour le grand froid. Elle a traversé à pied l'Antarctique sur 2045 km pour rejoindre le pôle sud. Elle avait 2 mois et demi pour accomplir cet exploit. Tentez d'imaginer un peu, la température est parfois descendue jusqu'à moins 50 degrés, moins 50. Je vous invite à lire l'incroyable ouvrage « Construire un feu » de Jack London pour comprendre les effets d'une telle température sur votre corps. C'est la plus longue expédition réalisée par une femme sans voile de traction. Elle détient d'ailleurs le record du monde. Mais elle parle bien mieux de tout cela dans son livre « On est tous aventuriers », dans son documentaire sur l'Antarctique, ainsi que dans son TED sur sa folle expédition polaire que je vous invite à regarder. Je suis tellement heureuse de recevoir une aventurière dans ce podcast que je vais avoir du mal à me concentrer sur le propos qui l'échec. Pourtant, avant de réussir un tel exploit, elle en a eu, comme nous tous d'ailleurs. Stéphanie, aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'Ultra Trail et de ton abandon juste avant la ligne d'arrivée. Est-ce que tu peux d'abord m'expliquer ce qu'est l'Ultra Trail pour ceux qui ne connaissent pas encore ? Alors bonjour, l'Ultra Trail, c'est la course à pied sur ultra distance en pleine nature. Et l'objectif, c'est de courir généralement entre 150 et 200 km sans s'arrêter. Enfin, il y a des ravitaillements tous les 20 km, on peut manger, boire et puis on repart tout de suite. Et on court généralement ce type de distance entre 24 et 30 heures. Et j'adore en fait cette discipline. Je pratique aujourd'hui la course sur ultra distance, donc à la fois sur route, mais également en pleine nature, donc l'ultra trail. Et je vais vous parler effectivement aujourd'hui d'une course en particulier. Cette course, ça faisait 180 km, c'est ça ? Oui, c'est une course de 180 km autour du golfe du Morbihan. Et alors, ça a été compliqué pour moi de trouver un échec, parce qu'en réalité, des échecs, j'en ai connu plusieurs, que ce soit dans ma vie personnelle, professionnelle, dans ma vie d'étudiante, dans ma vie de sportive. Et j'ai choisi un échec en particulier, enfin si je puis m'exprimer ainsi, parce que le terme d'échec, c'est pas le mot que je préfère, parce qu'il est souvent connoté négativement, alors bien que pourtant je pense qu'il y a énormément d'aspects positifs, De leçons peut-être, de leçons, voilà, quand on n'atteint pas un objectif. C'est le propos de ce podcast. Donc, cet ultra trail, tu l'avais travaillé, j'imagine, énormément. Est-ce que tu peux me raconter ton état d'esprit avant la course ? Comment est-ce que tu t'étais préparée à cette course ? Je m'étais beaucoup préparée, alors surtout le soir, le week-end, en faisant beaucoup de volume. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais une double vie d'avocate et de sportive, donc je m'entraînais surtout le soir et le week-end. Donc une vie bien chargée, j'imagine. Voilà, une vie bien chargée. Je courais 2 à 3 heures le soir. Je partais courir 6 heures, 8 heures le week-end, 8 heures d'affilée le dimanche, pour que le volume passe, tout simplement, parce que quand on part sur une course de 180 km, il faut que ça passe au niveau des jambes, donc il faut faire beaucoup de volume, donc un entraînement en quantité qui est assez important. Et j'étais ultra motivée, c'est-à-dire que l'envie était vraiment présente, et c'est ce que je dis aussi souvent dans les conférences ou dans mon livre, c'est que pour atteindre un objectif, il y a une première chose qui est importante, c'est d'en avoir envie. Et on le voit dans les régions polaires, quand on n'a pas envie, on ne reste pas 2 jours dans le froid extrême. On demande un rapatriement d'urgence parce qu'on n'arrive pas, on ne peut pas résister. Le cœur n'y est pas, quoi. Le cœur n'y est pas. Là, pour le coup, j'avais vraiment très envie. C'était une course qui me plaisait. La veille au soir, ça se passe comment ? Est-ce qu'il y a de l'excitation ? Est-ce que y a un peu de stress ? Comment ça se passe la veille de cette compétition-là ? Alors oui, il y a du stress, comme avant toutes les compétitions, les expéditions. Beaucoup de stress parce qu'on va vers l'inconnu, beaucoup de doutes, beaucoup de peur. On me dit souvent, Stéphanie, tu n'as jamais peur, c'est pour ça que tu pars sur des expéditions. En fait, non. La peur, elle m'accompagne, et les doutes aussi. Et je crois d'ailleurs qu'il ne faut pas nécessairement chercher à les enlever, c'est-à-dire qu'ils font partie de toute aventure. Oui, et puis c'est très sain aussi parce que voilà. Ça permet de se cadrer soi-même, ça j'imagine. Ça permet de bien se préparer aussi et de ne pas partir en étant totalement inconscient. Il n'y a pas de folie quand je pars traverser l'Antarctique. Ce n'est pas une folie, c'est-à-dire que d'extérieur, ça peut paraître complètement fou, mais il y a beaucoup de préparation. En l'occurrence, c'est un projet que j'avais préparé pendant 3 ans. La course d'ultra-trail dont je vous parle, je l'ai préparée aussi pendant plusieurs mois. En fait, on prépare chaque étape de la course. On anticipe les risques. L'objectif, c'est de diminuer les risques. Et c'est justement la peur et les doutes qui permettent de le faire. Et mais on a quand même une pression, mal au ventre, beaucoup de stress, voilà. C'est bien, c'est honnête de le dire. Voilà. Et puis, donc le jour J, je suis partie à 18h. 18h, le départ de la course, donc avec le son des BNews, on est au Morbihan. 1000 participants, la plupart des hommes, donc des très gros gabarits. Donc au début, je suis très très bien positionnée puisque je pars très vite. Donc pendant pas mal de kilomètres, jusqu'au milieu de la nuit, je suis première féminine. Après, je commence à me faire doubler. Donc je suis partie à un rythme qui était, à mon sens, avec le recul aujourd'hui, trop soutenu. Et puis le matin arrive. Il faut savoir que ce sont des courses qui durent 24 heures en général, donc on passe une nuit dehors. Après, il y a des courses en montagne qui peuvent durer même beaucoup plus longtemps et on passe deux nuits à l'extérieur. Ce qui est compliqué dans ces moments-là, c'est que on a une envie irrésistible de dormir, c'est-à-dire que même si on a très envie d'aller au bout... C'est le corps qui lâche. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments, c'est comme des flashs, et ça je le vis encore aujourd'hui malgré toute la préparation, c'est qu'il y a des moments où on aurait envie de se poser sur le côté de la route et de dormir tellement la fatigue vous envahit. Et ça, je l'ai connu aussi très fortement en Antarctique où je dormais 5 heures par nuit en fin d'expédition. Alors là, pour le coup, c'est un risque qui est encore plus important puisqu'il fait très froid. Donc, dormir au bord de la route, en l'occurrence, il n'y a pas de route, mais dormir sur la glace, c'est extrêmement dangereux puisqu'on peut être en hypothermie en quelques minutes. Bon, là, en compétition, c'est différent. On perd juste des places et éventuellement la victoire ou le podium. C'est très agaçant, j'imagine. Et c'est très agaçant. Donc, il faut vraiment passer cette étape-là. Alors aujourd'hui, j'ai un tout petit peu plus de pratique. Donc, je sais que ce sont des moments qui arrivent pendant la course, qu'il faut les passer, il faut les surmonter. Il a fait très chaud aussi ce jour-là. Donc, c'était il y a 6 ans, lors de cette course. Il a fait très, très chaud. La température est montée jusqu'à 30, 31 degrés. Voilà. C'est chaud quand on court une ultra-distance. C'est chaud sur un marathon, mais c'est également le cas quand on court 180 ou 200 km. Donc la chaleur était difficilement supportable. Et puis arrive un moment où les douleurs se font de plus en plus fortes. Alors douleur sous la plante des pieds, douleur au mollet, douleur aux ischios, des maux de ventre, des envies de vomir, des hypoglycémies, mais des choses qui sont au final assez normales sur ce type de distance. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que ça, c'est les réactions que vous avez déjà dû connaître, j'imagine, par le passé. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, elles sont plus surprenantes pour vous ? Alors, ce sont des réactions que je n'avais pas totalement connues, ces choses-là, par le passé, parce que je pratiquais déjà la course sur des distances plus courtes et je pratiquais aussi la course sur des distances aussi longues, mais en montagne. D'accord. Et en montagne, la grosse différence... Exactement. La grosse différence en montagne, c'est qu'on marche en montée, on court en descente. Donc, la gestion de course est totalement différente. Quand on est dans des régions comme le Morbihan ou quand on pratique ce qu'on appelle le 24 heures, c'est-à-dire la course sur stade ou sur route, l'objectif est de courir pendant 24 heures. Il n'y a pas de dénivelé ou quasiment pas. Et en fait, le risque dans ces moments-là, c'est de se sous-alimenter parce que justement, on a tendance à vouloir courir tout le temps et donc on ne prend plus le temps de s'alimenter. On a des douleurs qui sont différentes de celles que l'on peut rencontrer sur des courses en montagne parce que ce ne sont pas les mêmes muscles qui travaillent. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont un tout petit peu différentes. Et donc, j'ai découvert ces douleurs en course. Et au bout de 140 km, j'ai décidé de rendre mon dossard. Et alors ça a été quelque chose de terrible. La vache. Quand on a déjà couru 140 km, à quel moment est-ce qu'on se dit, là par contre, je ne peux pas avancer, je ne peux pas faire un pas de plus, alors qu'on les 10 km d'avant, on se disait encore qu'on pourrait tenir? Alors la décision, elle se prend très vite. Et en réalité, on la regrette très vite aussi. Très vite aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois qu'on a remis son dossard, on ne peut plus revenir en arrière. Et au moment où j'ai remis le dossard, c'était un ravitaillement, la deuxième féminine était là. Elle n'est pas repartie tout de suite, ça veut dire que si j'étais repartie, je repartais devant elle. Donc j'étais potentiellement deuxième sur cette course. Et ah oui, vous aviez quand même vraiment rattrapé votre retard que vous aviez... Oui, j'avais rattrapé mon retard. Et donc sachant qu'au au début de la course, j'étais partie dans la première féminine, ensuite j'ai été rattrapée et effectivement j'ai rattrapé mon retard après. Mais j'ai regretté en fait cette décision dans les minutes qui ont suivi. Et c'est quelque chose en fait qu'on n'oublie jamais. C'est-à-dire qu'avec le temps, même des années plus tard, on pense toujours à cet abandon. Pourquoi j'ai abandonné ce jour-là? Alors, l'abandon en course, parfois, il est obligatoire. Vous avez une blessure, vous avez un accident, c'est normal d'abandonner. Parfois c'est stratégique, c'est-à-dire que vous êtes sur une course par exemple dans laquelle vous souhaitez faire un podium, un chrono, et vous sentez dans les 10 premiers kilomètres que c'est pas le bon jour, et ça on le sent, que le chrono sera pas au rendez-vous. Il faut savoir s'écouter là aussi. Auquel cas on peut effectivement abandonner parce qu'on a un autre objectif un mois plus tard et qu'on a envie de garder des forces pour cet objectif ultérieur. Là, en l'occurrence, il n'y avait aucune raison. Pas de blessure, pas de course qui devait venir derrière, pas d'objectif de chrono que je n'étais pas en train d'atteindre, puisqu'au contraire, j'étais bien positionnée et c'était un objectif que je souhaitais atteindre. Et j'ai abandonné. Et cet abandon, en fait, il procure beaucoup de douleurs dans les années qui suivent, c'est-à-dire qu'on y pense tout le temps. Et après, par la suite, j'ai réalisé d'autres choses, et notamment, vous parliez tout à l'heure de l'Antarctique. Durant cette expédition en Antarctique, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, alors en amont, mais aussi pendant l'expédition. Ça vous a servi, j'imagine. Dedans. Ça m'a beaucoup servi, déjà, le fait d'avoir abandonné auparavant. C'est que je suis convaincue aujourd'hui qu'il ne faut plus abandonner. Sauf les cas que j'évoquais tout à l'heure de blessures ou bien des abandons un peu stratégiques. Mais quand on a très envie et qu'on est bien préparé et qu'on veut atteindre l'objectif, on n'abandonne pas sur le chemin. Est-ce que vous avez analysé depuis pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, vous avez eu cette pulsion, presque, c'est une pulsion d'abandon? Oui, alors en fait, je l'ai analysé effectivement et il m'a manqué une chose et aujourd'hui quelque chose que j'applique à chaque fois que je pars en expédition ou sur un projet sportif ou autre, c'est que je n'ai pas visualisé certains obstacles en amont. C'est-à-dire que quand on part sur une course, et c'est vrai dans tous les projets, qu'ils soient professionnels, familiaux, personnels, c'est bien de visualiser, d'imaginer l'objectif atteint, mais il faut aussi visualiser que l'on va traverser des difficultés. Visualiser par exemple, là, en l'occurrence, la course sous la pluie, visualiser le fait qu'on va courir pendant la nuit, qu'on va courir alors qu'on n'a plus aucune visibilité, que l'on va chuter en pleine nuit, qu'on aura très envie de dormir, qu'à un moment donné on va forcément vomir parce que sur une course aussi longue, c'est toujours le cas, qu'on aura des maux de ventre, qu'on aura des problèmes d'alimentation et qu'on aura aussi ces fameuses douleurs sous la plante des pieds que j'ai eues durant cette course. En visualisant tout ça, on l'accepte en amont. Et quand on est face à ces obstacles, on parvient mieux à les surmonter. En tout cas, on les accepte et quand on est face à un obstacle, le fait déjà de l'accepter, c'est 50% du chemin qui est fait. Ah, c'est hyper intéressant. C'est 50% du chemin qui est fait, c'est-à-dire qu'on parvient à le surmonter ou à le contourner parce qu'on accepte qu'il soit là, que c'est une donnée. Et quand on part sur des projets qui sont inconnus, alors ça peut être vrai par exemple quand on part sur une course que l'on ne connaît pas ou quand on part sur une expédition que l'on ne connaît pas, dans un endroit que l'on ne connaît pas. Ou même encore un projet personnel, familial, professionnel, voilà, exactement. Ça s'applique à tout. Quand on part sur un projet nouveau, par exemple on crée une entreprise, on n'a jamais créé d'entreprise, c'est la première fois. On imagine, on visualise que l'on sera face à des obstacles qui sont imprévisibles. Il y a toujours des obstacles dans tous les projets. Et déjà, le fait de l'accepter en amont, c'est vraiment 50% du chemin de fait. Plutôt que d'être face à l'obstacle et de se dire « mes concurrents ont de la chance, ils n'ont pas connu cet obstacle-là, j'ai pas eu de chance, c'est pas fait pour moi. » Ça, c'est de l'énergie qui est gaspillée. C'est beaucoup d'énergie qui est gaspillée et on a presque peu de chance finalement de surmonter l'obstacle si on part battu d'avance en se disant que cet obstacle-là n'aurait pas dû être là. Quand j'étais en Antarctique, j'étais face à des vagues de glace. Les vagues de glace, personne ne peut les enlever. Vous êtes face aux vagues de glace, vous n'avez pas d'autre choix que les contourner. Ou alors, quand parfois elles ne sont pas contournables parce qu'elles sont trop abondantes, vous n'avez pas d'autre choix que les franchir les unes après les autres au risque de casser les skis. Vous êtes à 2,5 km/h à ces moments-là et le traîneau se renverse sans cesse et donc vous retournez, vous le redressez, vous continuez, le traîneau se renverse, vous retournez, vous le redressez, ainsi de suite. Tout ça dans le froid extrême. Mais les vagues de glace, personne ne peut les enlever. Quand elles sont là et qu'on est face aux vagues de glace, on n'a pas d'autre choix que les accepter. Sinon, il fallait tout simplement pas être là et ne pas être au milieu de cette expédition. Donc, à partir du moment où on accepte l'obstacle, on a déjà fait un grand bout de chemin. C'est vrai que cet échec, cet abandon, pour moi, il est dû au fait que je n'avais pas visualisé certaines douleurs. Ce que vous dites, en fait, c'est que vous êtes énormément préparé physiquement en faisant de la course tous les week-ends, etc. Mais que le mental joue une part qui est presque plus importante encore. Alors, je pense que c'est le mental et le physique. Parce que si on a le mental, mais que l'on n'a pas la préparation physique, oui, le corps ne peut pas suivre parce qu'il ne peut pas faire la distance. Mais je pense que le mental est aussi important que le physique. Alors après, dans le mental, il faut faire attention. Il ne faut pas qu'il vous fasse aller trop loin. Typiquement, quand vous êtes sur une expédition dans les régions polaires, le mental, parfois, peut vous empêcher de réaliser que vous manquez de force, que vous avez faim, que vous avez soif, que vous êtes déshydraté, et peut vous donner envie de continuer alors que le corps ne peut plus suivre. D'accord. Et aujourd'hui, alors maintenant vous avez encore et toujours de nouveaux projets, on en parlait tout à l'heure, il y a plein de choses qui vont se mettre en place dans les années à venir. C'est toujours une course à laquelle vous pensez quand vous vous préparez à une nouvelle expédition, un nouveau projet? Oui, parce qu'en fait, cet abandon, c'est vrai qu'il est toujours en tête. Quand j'étais en Antarctique, par exemple, j'ai rencontré... donc l'Antarctique, c'était après cet abandon-là. Et j'ai rencontré beaucoup d'obstacles. Une rage de dents pendant plus d'un mois, le froid, les moins 50 degrés, le vent de face à 80 km/h, la déshydratation, la dénutrition, une toile de tente qui se déchire. Mon quotidien à Paris, quoi. Vous êtes complètement en train de citer le quotidien de millions de Français, là, vraiment. Donc c'était des difficultés qui étaient assez imposantes. Mais en réalité, quand on atteint l'objectif, on a tendance ensuite à les diminuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces difficultés, évidemment, j'en ai toujours le souvenir, mais c'est un souvenir qui n'est pas aussi fort que quand je l'ai vécu. C'est-à-dire que vraiment, je l'atténue, alors que l'abandon, lui, il est toujours là. Toujours, toujours, je me demande pourquoi ce jour-là, j'ai abandonné. Et donc, pour moi, l'abandon n'est plus une option. D'autant plus que lorsque l'on met beaucoup d'énergie sur un projet, lorsqu'on travaille pendant plusieurs années, plusieurs mois, on n'a pas envie d'abandonner parce qu'on a mis trop d'énergie et on n'a pas envie de ressentir ce que j'ai ressenti après cette course. Parce que je trouve, enfin voilà, c'est du gâchis par rapport à toute l'énergie mise sur des projets. Et je pense au final que tous les autres échecs, parce que l'échec c'est possible. Parfois, vous rencontrez un obstacle infranchissable qui vous oblige, qui est objectivement infranchissable, qui vous oblige à changer de chemin, à changer d'objectif, à changer de voie. Parfois, vous n'êtes pas suffisamment préparé, donc vous n'atteignez pas l'objectif parce que les heures d'entraînement n'étaient pas assez importantes, parce que vous avez eu un souci de nutrition, parce que vous avez fait un mauvais choix stratégique dans la course. Pour X raisons, vous pouvez échouer. Mais tous ces échecs vous apprennent énormément et vous donnent la conviction qu'un jour, l'objectif sera atteint. Parce que lorsque l'on échoue, on sait pourquoi on échoue, on sait quel est l'élément qui manquait. Parce que finalement, la réussite, elle dépend de quoi? Elle dépend de plusieurs éléments qui sont mis tous ensemble. Tous ces petits échecs qui vous ont amené sur un chemin qui... C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, à la réussite. Tous ces petits échecs vous apprennent à mieux vous connaître, à savoir pourquoi cette fois-ci ça n'a pas fonctionné. Donc si vous corrigez cet élément-là, ben, la prochaine fois ça marchera. Et donc vous corrigez tous ces petits éléments jusqu'à ce que ça fonctionne. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Par contre, l'abandon, ça dépend que de soi. Et là, pour le coup, on peut que s'en vouloir, en fait. Donc pour moi, c'est ça qu'il y a de pire. Le reste, je pense qu'il faut vraiment le relativiser. Il ne faut pas avoir peur, justement, de ne pas atteindre l'objectif. Parce que c'est vraiment une chance. Et je le vois avec les sportifs. Un sportif qui réussirait tout depuis le début, le début de sa carrière, réussirait toutes les compétitions. Il y a deux écueils à ça, deux risques. Soit ce sportif-là continue parce qu'il a réussi. Donc ça veut dire qu'il continue non pas parce qu'il a envie de continuer, parce qu'il est passionné, mais juste parce qu'il réussit. Et est-ce que c'est assez fort? Est-ce que c'est un bon moteur pour continuer? Ça, je n'en suis pas certaine et convaincue. Soit, au contraire, il n'a pas acquis la force de travail, de persévérance, de résilience. Et donc, il va réussir les premières compétitions, mais finalement, alors qu'il aurait pu être passionné par ce sport, il va le laisser tomber parce qu'il n'ira pas plus loin, il n'ira pas plus haut en se disant que ça lui paraît complètement inatteignable. Pourquoi ? Parce que, en réalité, entre un point de départ et un point d'arrivée, je ne suis convaincue qu'il n'y a qu'une chose entre un point de départ et un point d'arrivée, c'est le travail. La confiance en soi et le travail, la persévérance. Et si vous réussissez dès le début, Alors c'est vrai aussi à l'école, on le voit souvent avec les jeunes, c'est vrai au travail. Ça ne booste pas, bien sûr. Ça ne booste pas parce que vous réussissez, mais vous ne savez pas pourquoi ça marche. Et donc tous les projets plus ambitieux vont vous faire peur parce que vous avez l'impression que la marche est trop haute. Ça, c'est le fameux syndrome de la reine du lycée qui a toujours eu tout bon, qui adorait tout le monde et qui finit pas vraiment faire grand-chose de sa vie parce qu'elle n'a jamais été poussée à aller au-delà, quoi. C'est ça, et je pense vraiment que le fait de se tromper, et je donne un conseil à tous les auditeurs, c'est trompez-vous, échouez, je pense que c'est vraiment la plus belle chose, parce que ça développe en vous une capacité de persévérance et de résilience qui est vraiment, qui me semble assez importante, et vous devenez invincible quelque part, parce que je sais aujourd'hui sur certains projets, parce que je me suis lancée dans certains projets où j'ai eu des échecs, d'autres projets qui ont marché parce que justement j'ai appris de ces échecs. Aujourd'hui je sais que dès que j'ai une envie, je peux la transformer en objectif. Je me dis pas ce projet-là n'est réalisable que par telle ou telle personne ou la marche est trop haute. Je me dis plus ce genre de choses parce que justement, je suis passée par tellement de phases avant d'atteindre certains objectifs que je sais que ce n'est qu'une histoire de temps, de travail, de persévérance, et que finalement toutes ces étapes, elles sont atteignables par toutes les personnes. Il suffit juste d'avoir envie et de travailler énormément. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir offert votre témoignage. Vos leçons de vie sont décidément universelles, alors qu'on parle de course à pied, on parle de pôle Nord. Continuez d'oser aller au bout de vos rêves. On a besoin de voir des femmes aussi inspirantes que vous pour se rappeler une chose: les seules limites sont celles que l'on s'impose. Je vous invite à vous procurer d'urgence son ouvrage « On est tous aventuriers ». Quant à vous qui nous écoutez, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, chez votre boulanger, votre marchand de journaux, votre disquaire. Pour vous non plus, ne pas avoir de limites à parler de la leçon. Et puis comme d'habitude, un petit commentaire et 5 étoiles sur iTunes me feront vraiment très plaisir. À bientôt, merci.